Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Comme je le dis souvent, installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif. Et ce soir, on donne le coup d'envoi avec Cale Wallner, le guitariste de RPVL, qui va présenter le 25 février prochain son tout premier disque solo, qui a pour titre Voices. On aura aussi un extrait du 4e album solo de Björn Riis de Airbag. Le disque aura pour titre Everything to Everyone. Ça sera suivi de Marco Ragni, et il y a un lien entre les deux. Björn Riis a contribué à un des plus récents albums de Marco Ragni. Là, on va voir un extrait de son plus récent, We Are the Devil, et cet artiste italien en est à son 9e album. Et puis, ben, tant qu'à être en Italie, Marc, on va poursuivre avec deux artistes italiens. Oui, des nouveaux groupes très contemporains. On parle ici de Silver Nightmares, qui ont fait paraître un EP en 2020 et qui vont faire paraître leur nouvel album bientôt, Apocalypsis. Alors, on aura l'extrait de Blue Light of a Star de cette formation. Et ça sera suivi de Jana Draca, qui ont fait paraître un premier album en 2019 et qui arrive avec ce nouveau simple intitulé Leaves. Mais on débute d'abord avec la nouveauté de Cale Wallner. Betrayed, like the voices in my head.

Yeah!

once we knew it, of monsters and men. Yeah, moving forward, we are the ones you left behind. Dripping

sem puusta tipahtaa. Leijuu läpi kylmän kostean ilman, kun sen matkan taas taittaa. Kolon kiven kadoten.

isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL, la meilleure station radio à Québec. Dans le dernier bloc musical de l'émission pour cette semaine, on aura la formation norvégienne Professor Tip Top, tirée de l'album Lanes of Time, leur plus récent album qui est paru en décembre 2021. Alors, on aura la pièce The Quest Remains, un album qui vaut vraiment la peine, là, qui est assez doux, assez subtil, mais il y a des belles guitares. J'aime les mélodies vocales aussi. J'aime beaucoup cette formation norvégienne qu'on aura la chance de voir éventuellement au Festival Terra Incognita. Si jamais ça a lieu cette année, ça sera au mois de mai. Sinon, ce sera reporté. On vous en reparlera. Michel, parlant de festival et parlant de formation qu'on peut voir au festival, la formation Able Gans était venue nous présenter un spectacle et il y a cette pièce là, de leur album éponyme là, qui, avec la pochette qui nous fait tellement penser à notre paysage d'hiver québécois. Oui, avec la photo là, d'un paysage enneigé. C'était, je pense, le sixième album du groupe. Ils ont comme choisi de marquer le coup avec un album éponyme, comme pour dire, signifier le début d'une nouvelle période pour le groupe. Et groupe qui, d'ailleurs, on a reçu, l'album est paru en 2014, on les a reçus en 2016. Et c'est un concert que j'ai adoré. Le groupe nous a vraiment amenés ailleurs. Et j'ai un excellent souvenir encore d'un déjeuner avec le groupe, avec un concert intimiste de Anton Roulard, accompagné par le claviériste de Renaissance. C'était vraiment magique comme déjeuner. Et on écoute un extrait de cet album éponyme paru en 2014, donc Able Gans. Again and again, the reasons always so very clear. Connect the pieces they stole. Circle the reason so very clear. From all that's been holding you under, secrets, will you let it go?

Ce soir, on a choisi de vous laisser avec un extrait d'un des nombreux albums concept montés par Colossus, le magazine Colossus et la maison Musea. Et il s'agit de Dante's Purgatorio et ce sera une pièce de Raimondo Rodolfo, un multi-instrumentiste vénézuélien. Et d'ailleurs, comme d'habitude, ben, il y avait plusieurs contributions à ce disque, dont Nexus, Willow Glass, Soul Engine et j'en passe. Un album qui a été lancé en 2009. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres ce soir et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.